Le Tour du Finistère 2025, point d'orgue d'un week-end cycliste exceptionnel en Bretagne. Le vendredi 9 mai 2025, le Tour du Finistère marquera la deuxième étape d'un enchaînement inédit de quatre courses cyclistes professionnelles en Bretagne. Organisé par le club Kerfeunteun AS, cet événement international de catégorie 1.1 UCI s'inscrit dans le cadre de la Coupe de France. Cette série, surnommée les 4 jours de Bretagne, débutera avec les boucles de l'Aulne à Châtelain le jeudi 8 mai, suivi du Tour du Finistère le 9, du Grand Prix du Morbihan le 10 et se conclura avec le Trobroléon le dimanche 11 mai. Cette initiative vise à renforcer l'attractivité du cyclisme breton et à offrir un spectacle continu aux passionnés. Le Tour du Finistère, réputé pour ses parcours vallonnés et ses paysages pittoresques, attire chaque année des équipes prestigieuses. En 2025, la course s'annonce particulièrement disputée, avec la présence attendue de plusieurs formations du plus haut niveau mondial, ainsi que des meilleures équipes professionnelles françaises. Les passionnés de cyclisme pourront ainsi assister à un affrontement de très haut niveau sur les routes du Finistère.